Je digue sans tactique la critique de l'ignorance, laissant les idéaux cataloguant son enfance. Et petit enfant seul regardant par sa fenêtre, du haut de sa tour à se dire qu'un jour peut-être, la réussite sur le vécu qui augmentera le flux. Ne plus entendre les cris et le bruit du fond superflu. Ne plus parler ou seulement que dans sa tête, décollant sa vie sans le code barre son étiquette. À force de respirer la longueur de cette attente, de façon à s'inspirer sur la rime qui s'y contente, sans vraiment savoir ce que pourrait être la suite. L'abandon a déjà commencé, tout cela avant la fuite. Maladresse de ce temps où les aiguilles défilent, fatalité où chaque fois et ben faut qu'il rempile. À chaque fois le ciel s'assombrit, ses yeux s'écarquillent, oubliant ses rêves qui à la fin s'éparpillent. Laissons faire le temps, celui qu'il faut pour grandir. Laisse faire l'instant où l'avenir devient soupir. Laisse faire les moments où le destin est le devenir. Laisse faire tout cela pour éviter qu'il puisse souffrir. Laissons faire le temps, celui qu'il faut pour grandir. Laisse faire l'instant où l'avenir devient soupir. Laisse faire les moments où le destin est le devenir. Laisse faire tout cela pour éviter qu'il puisse souffrir. Je dicte le constat, le voir travailler si jeune pour quelques misérables deniers et qu'il déjeune dans la misère de l'absolu. S'il tient si bien, sinon la coupure fera qu'il n'aura encore rien. Dans ce monde, il souffle, la tristesse son moteur, pendant que d'autres ne le voient pas exprimer sa rancœur. Lassitude portée, dire s'il a envie de crier. Justifiant ses actes, dans sa tête il fut plié. Comprendre qu'il n'est rien et endure ce mal. Celui qui tape dans sa poitrine est toujours qui s'installe. Si jeune et sans repère, sans père, sans ni mère. C'est pourtant lui qui est encore et toujours espère. Impuissance face à l'esprit mal axé par les adultes, qui se croient intelligents à le prendre pour un inculte. L'enfant seul a décidé d'avancer sans la lumière. Où est le chemin éclairant sa vie avec un réverbère. Laissons faire le temps, celui qu'il faut pour grandir. Laisse faire l'instant où l'avenir devient soupir. Laisse faire les moments où le destin est le devenir. Laisse faire tout cela pour éviter qu'il puisse souffrir. Laissons faire le temps, celui qu'il faut pour grandir. Laisse faire l'instant où l'avenir devient soupir. Laisse faire les moments où le destin est le devenir. Laisse faire tout cela pour éviter qu'il puisse souffrir. Je dicte l'ignorance, l'enfant seul acclimate son sort. La descendance ne vivra pas dans son parfait accord. Sans raccord, pendant que tout le monde est pas d'accord. Et libérant son âme et sautant comme un ressort. Dans ses yeux les images défilent à pleine vitesse. Désireux de voir qu'un jour il faudra qu'il progresse. Tristesse sans faiblesse, et c'est dire s'il a compris que la finesse d'esprit lui a roi enfin tout prix. Alors il écrit et se dit qu'il en soit ainsi, entendant qu'on ne met pas les paris sans sursis, sans qu'ils disent où on est vraiment l'enjeu, passant du simple au double et comme si c'était un jeu. Illuminé dans son avenir, c'est pourtant dire s'il transpire, oubliant que lui seul se demandera où arrive le pire. Le passé d'un festin qui en fera son devenir, joliment écrit sur la phrase de ses soupirs. Laissons faire le temps, celui qu'il faut pour grandir. Laisse faire l'instant où l'avenir devient soupir. Laisse faire les moments où le destin est le devenir. Laisse faire tout cela pour éviter qu'il puisse souffrir. Laissons faire le temps, celui qu'il faut pour grandir. Laisse faire l'instant où l'avenir devient soupir. Laisse faire les moments où le destin est le devenir. Laisse faire tout cela pour éviter qu'il puisse souffrir.